Alors, je remercie les trois participants qui vont animer ce débat où nous allons donc parler argent, mais en prenant donc de façon assez ample la question. Trois participants qui sont Jean Fabry, la procuratrice, procureuse, procureureuse, je ne sais pas comment il faut dire, de Mademoiselle Obscure Précaire, qui avait pas mal agité comment dire, les écrans d'ordinateur et un peu autre chose aussi l'an dernier. Donc, alors là, une très vieille connaissance pour moi, Henri-Édouard Audier, puisque nous avons travaillé quand même très longtemps. Je lui servais de doublure hein, au SNCS, en fait. Il y avait quelqu'un qui avait les idées, qui savait faire les choses, et puis il y avait quelqu'un qui était devant. Hein, ce que j'essayais de faire à peu près en ce temps-là. Alors, nous prenons la suite d'un séminaire qui est celui de Marcel Gauchet, où il est question de la crise dans l'université et dans la culture. Et pour Marcel, les réformes que nous vivons à l'heure actuelle sont des réformes d'ordre civilisationnel. Hein. Il s'agit de remettre en cause la définition même de nos métiers, en particulier la fonction publique. Mais je crois qu'on peut dire aussi que la dimension argent est déterminante, comme elle l'a toujours été, dans dans le déroulement des réformes. Alors je vais proposer à Jean d'attendre peut-être 15 secondes que notre technicien mette en place la structure, puisqu'il est arrivé. Je peux d'ailleurs continuer à peupler, parce que je n'ai pas dit que c'est une séance très syndicale hein, et très FSU, puisque Jean Fabry est un ancien secrétaire général du CNESUP. Et vous savez, le CNESUP, c'est déjà une grosse entreprise. Hein. Quand on va là-bas, c'est tout est relatif, mais c'est quand même déjà une institution qui pèse à l'intérieur de la FSU. Et Henri-Édouard Audier a été quand même très longtemps administrateur du CNRS hein, pour le SNCS, et il a été un des animateurs depuis maintenant la fin le milieu des années 70, hein, le syndicat qui était, comme le SNESUP d'ailleurs, autrefois à la FEN. Hein, et nous sommes passés maintenant collectivement à la FSU. Bon, je crois qu'on peut y aller. Jean, je te donne la parole.